son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortins du 555 des 15 secteurs Mississini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortins font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortins vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets Fortins au numéro de téléphone 276-86-11. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ces thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. Travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 418-679-4178. On va parler de ski avec le coordinateur du centre de ski, le Domiski, Dave Lamontagne. On sait que ça va commencer bientôt, la nouvelle saison. On parle à Dave. Salut Dave! Salut Danny, comment ça va? Ça va bien. Dave, une autre saison qui débute. Oui, t'as plein ça, une belle saison là, qui débute le 20 décembre, jeudi à 13h. Donc les préparatifs ont super bien été, là, on est prêts. Puis on a quand même là, une accumulation de neige qui est suffisante. On sait qu'on y annonce un petit redout, là, mais là, au niveau là, à des ressources humaines, on a eu nos formations, donc on est prêt là, justement à attendre la clientèle. OK. Est-ce que du côté des gens, est-ce que la plupart ont été engagés? Oui, le côté main-d'œuvre, là, je te dirais qu'on a comblé tous nos besoins. On avait des bons besoins. Là, j'ai engagé là, justement un nouveau superviseur des opérations, c'est M. Bruno Martel, qui lui va nous aider là, à opérer le centre et à rendre ça plus autonome, ce qui va me permettre, moi, de me dégager du temps là, pour des dossiers de développement. Aussi, on avait un poste au niveau restaurant aussi, libre, là, comme responsable du restaurant. Donc, on a réussi, là, je ne vais pas dire un extrémiste, à embaucher quelqu'un. Là, fait que, pour le moment, là, tout est sous contrôle. OK. Dis-moi, du côté de la patrouille canadienne de ski, année après année, c'était difficile de ce côté-là. Est-ce que de ce côté-là, c'est bon aussi? Ça y va? Super bon, parce que ce que j'ai fait cette année, j'ai instauré un nouveau modèle. C'est un modèle hybride, c'est-à-dire qu'on a encore nos patrouilleurs bénévoles. Okay. Qui, eux, là, viennent selon leur disponibilité à eux. Et puis, j'ai aussi fait l'embauche comme un emploi étudiant de patrouilleurs. Donc, on a trois patrouilleurs sur une nouveauté cette année qui vont être rémunérés au salaire minimum. Mais ça lui fait quand même une belle job étudiante. Puis moi, ça me permet de leur imposer un horaire. C'est-à-dire que bon, ben, si j'ai pas de bénévole qui vient le samedi, ben là, j'ai quelqu'un de payé qui vient patrouiller. Comme ça l'assure une présence constante de patrouilleurs, là, parce qu'on sait que c'est obligatoire. Fait qu'avec ce modèle-là, là, je pense que ça va être gagnant. Puis, on aura comme plus le choix là, les prochaines années là, de fonctionner de cette manière-là. OK. Donc, de ce côté-là, ça va bien aussi. Du côté des assurances, eux autres, ils voient du bon oeil, ce nouveau concept-là pour les gars de la patrouille canadienne de ski? Oui, ben c'est ça. Eux, c'est tant qu'ils ont leur formation accréditée, ouais, soit payée ou bénévole. L'important, c'est d'avoir quelqu'un sur place qui a eu sa formation, là, puis qui est habilité là, à éduquer ces tâches-là. OK. Dis-moi du côté des nouveautés. Nouveautés. Il y a plusieurs nouveautés cette année. Là, je vous dirais qu'on a misé beaucoup sur essayer d'augmenter l'achalandage au niveau des groupes scolaires. Okay. On a fondé, on a créé un programme qui s'appelle Apprendre à bouger. Puis ça fonctionne aussi dans toutes les corporations sportives auxquelles je m'occupe, là, dont le centre civique, le club de golf, mais aussi Domiski. C'est-à-dire okay. que un groupe scolaire qui se déplace pour venir au centre plein air avec Maria Express, on a réussi à aller chercher une subvention de 50% du coût du transport. C'est-à-dire qu'eux, ils ont deux coûts. Là. Ils ont le transport puis ils ont l'entrée journalière. Le transport va être remboursé à 50%. Et ça, ça diminue leur coût pour une sortie scolaire. Là, on a une belle offre. On leur offre le stiffon. On sait qu'on est partenaire du Grand Défi Pierre-Lavoie, donc le stiffon, il est gratuit pour les 10 ans et moins. On a la raquette, on a la tube, on a le parc, le domaine skiable aussi qu'on peut réserver. Et finalement, une grosse nouveauté, c'est les cours de plein air. OK. On est un centre plein air. Et qu'on veut offrir avec un partenariat avec l'école de Tournai, des cours de plein air là pour les écoles primaires. Là. Donc, on fait de l'observation des traces d'affaires. On observe aussi des flocons de neige avec une loupe. On a un petit parcours obstacle aussi aménagé. Donc, ça devrait être super chouette là, pour les écoles là, qui veulent faire une cours de plein air intéressante. OK, OK. Dis-moi, il y a une synergie quand même. Tu crées une synergie, puis c'est bien correct de même aussi, là. Oui, c'est ça. Fait que ça... Comme avec mes fonctions, là, c'est justement là, avec tous les organismes, il y a d'autres offres dans d'autres organismes, là, mais puisque tu me parlais de nouveautés aussi au centre, il y a ce programme-là, mais il y a aussi toute la signalisation aussi avec les cartes. Là, parce que oui, il faut miser sur le ski et la planche, mais il y a aussi toutes les autres activités de plein air, là, comme la marche en sentier, la raquette, le vélo d'hiver, le fat bike, on a le ski de fond aussi. Puis notre lacune, c'était vraiment l'orientation des gens. Connaissent pas nos sentiers, ben, où qu'on commence. Ouais. J'ai installé aussi une borne de paiement là, à l'extérieur, auto-perception, pour que les gens puissent effrayer leur billet journalier avec un beau panneau d'accueil qui explique un petit peu là avec nos nouvelles cartes. Là, fait que ça va être beaucoup plus facile pour quelqu'un qui connaît pas nos sentiers là, de s'y retrouver, puis justement là, de profiter là, de belles randonnées là, dans nos sentiers, puis valoriser ça surtout. OK. Aussi, au niveau des memberships, comment ça va de ce côté-là? C'était quand même, on voulait quand même augmenter le nombre de memberships. Comment ça va de ce côté-là? Oh non. Là, on vient de passer au travers notre prévente. Ça a été bon? C'est stable, là. Oui, ça a été bon dans le sens qu'il n'y a pas de baisse. C'est sûr qu'on espère toujours une croissance, mais pour le moment. Mais l'année passée, on avait 6 jours de prévente, là, on avait seulement 4 jours. Fait que j'ai hâte de voir en début de saison, là, les gens qui ont peut-être passé à côté de la prévente, comment ça va se visualiser, là. Mais, c'est quand même assez difficile, je te dirais, de... Est-ce que c'est parce que les gens... augmenter l'achalandage considérablement, là. Tu sais, je pense pas qu'on fasse de... Non. Un gros apport majeur là, d'une année à l'autre. Là, c'est quand même relativement stable. Est-ce que les gens, c'est parce que les gens n'ont pas encore le goût de ça? Ça peut-tu arriver? Nous, domicilier, c'est une pouponnière. Hein? C'est, ouais. C'est une place pour apprendre. Je pense que quand on atteint un certain niveau, c'est sûr qu'il y a d'autres stations ailleurs, mais c'est vraiment pour les jeunes qui veulent s'initier ou qui commencent ou sont à proximité. Donc, est-ce que techniquement, là, c'est pas mal ça. Là. C'est dur d'aller chercher plus de clientèle. Mais juste avoir une stabilisation, là, qu'on n'ait pas de baisse, là, je constate que c'est quand même déjà bon. Quand on va avoir, si on va avoir notre nouveau chalet, un nouveau pavillon d'accueil, une nouvelle infrastructure pour accueillir notre monde, après ça, on veut on va être un relais de motoneige cette année parce que il y a la flotte de motoneige. Ah, OK, c'est bon ça. C'est ouais, c'est pas mauvais. Fait qu'avec le nouveau pavillon d'accueil, peut-être avoir un bar puis une place le fun, donc pour s'occuper avec les guides de la nature, puis tout ça, je pense qu'on va pouvoir créer un espèce de petit pôle d'attraction touristique. Puis si on développe convenablement les 4 saisons avec l'été là pour le vélo de montagne, ça je pense avec tout ça là, je pense que c'est là qu'on va voir vraiment peut-être une hausse au niveau du membership et de l'achalandage en tant que tel. OK. Si on va faire une pause, je vais revenir dans quelques instants, c'est le temps des fêtes, beaucoup de publicité et on revient dans quelques instants. Vous êtes à l'écoute d'une entrevue avec Dave Lamontagne. Les cœurs deviennent sensibles et chaleureux. On rêve et on pense aux belles rencontres des temps des fêtes. Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale pour HR Block, veut vous souhaiter le plus merveilleux temps des fêtes. Laissez-vous gâter par vos amis et réjouissez-vous avec les parents. Que la prochaine année soit une fontaine de jouffrance. Tels sont les vœux de Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale chez HR Block, 1670 boulevard Wahlberg, en face du restaurant Mike's, 418-276-8025. Son personnel et moi-même, Michel Lallemand, le directeur général, sommes heureux de vous transmettre nos meilleurs vœux pour la période des fêtes, que la prochaine saison soit remplie de bonheur et de joie, et à tous les amateurs de golf de notre secteur, de même qu'à tous ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la plus heureuse période des fêtes. Comment? Le personnel et la direction de Météo GBL profitent de l'occasion pour souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Paix, santé, bonheur et prospérité, ce sont les vœux de l'équipe de Météo GBL qui est un moteur économique important pour le milieu et qui génère plus de 50 emplois. Météo GBL est situé au 550 rue Adélard-Gagnon à Dolbeau-Missassigny au numéro de téléphone 418-276-6102. En ce temps des fêtes, le moment est vraiment propice pour penser aux gens qui font notre succès. Le propriétaire de Remorque 2000, M. Daniel Deschênes, et tout son personnel désirent remercier sa distinguée clientèle et profitent de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Tout besoin en remorque, c'est l'équipe de Remorque 2000 qu'il faut contacter, la référence au Saguenay-Saint-Jean dans ce domaine. Remorque 2000 au 643 rue Dequin à Dolbeau-Missassigny, au numéro de téléphone 418-276-9383. Ici Jean-François Baudry, directeur général de la Maison funéraire Hébert et fils. Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La Maison funéraire Hébert et fils vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. Allez, retour à danradiosport.com. On a avec nous Dave Lamontagne qui est le responsable du centre de ski de Domiski. Dave, si on parlait un peu du côté du nouveau chalet, est-ce qu'il y a des nouveautés depuis que la dernière fois qu'on s'est parlé? Non, ben je dirais là que c'est toujours là, un petit peu là, pas le point mort, là, mais ça va aller avec les annonces là, de nos paliers de gouvernement, là, soit fédéral ou provincial, donc avec la campagne électorale fédérale qui s'en vient. On se croise les doigts pour que notre ancien maire là, nous fasse peut-être de belles annonces. OK. Dis-moi, du côté, tu t'occupes également du centre du curling. Comment que ça va de ce côté-là? Ah, curling, ça va très bien. On a implanté quelques changements l'année dernière. Donc, c'est une nouvelle image corporative avec le nouveau logo. On essaie de dynamiser ça un petit peu. Campagne de financement. Donc, on a vendu le nom des ligues. On a essayé d'être créatif un petit peu pour aller chercher davantage de partenaires du milieu. Ça a fonctionné. On s'est penché là sur le bingo. Le bingo qui est un élément là primordial pour la survie du centre civique là, qui amène de bons revenus. Fait qu'on a même réussi à dynamiser un petit peu là, notre formule de bingo. Puis suite à une réflexion stratégique, on avait vraiment scindé tous les axes d'intervention. On s'est fait un plan d'action sur 3 ans. Puis là, on est à la mise en œuvre de tout ça. Puis le membership, on a condition, on a une hausse à peu près dans tous les secteurs d'activité du centre civique. Fait qu'on est vraiment content. Bon, là, on a une pause pour les fêtes, là, mais après la reprise des fêtes, là, techniquement, je devrais avoir un petit peu plus de temps à lui consacrer parce qu'avant les fêtes, là, c'est plus difficile. Là, je suis au centre de ski, là, mais on a des beaux projets, des belles idées d'événements aussi de curling, là, plus ouvert à grand public, là, pas nécessairement pour les joueurs d'expérience, là, comme un petit peu le Pierre et Bière qu'on avait fait, moi puis Maxime Pearson. C'est un tournoi, un événement de curling là, qui avait été bien populaire, donc on va essayer. C'est sûr qu'il va y avoir une reconduite, mais on aimerait ça aussi faire, exemple, des jeudis libres, 6 à 9 avec de la pizza, puis on sait qu'on est rendu avec des produits de microbrasserie aussi au bar, avec là, on veut créer une espèce, peut-être qu'on en fait une fois par mois là, ou 2 semaines, là, donc on a plein d'idées, là, c'est de prendre le temps là, de faire. Là. OK. Dans l'ensemble, est-ce que c'est bon quand même? Est-ce qu'il y a une hausse du membership du côté du curling? Ben oui, là, on a une légère hausse cette année. Ah, OK, c'est bon ça? On est bien content, oui. Quand on a vu les préliminaires, les chiffres, là. C'est ça, là. Il y a une espèce de petite synergie qui s'est créée autour du centre civique, là. Puis c'est beaucoup des retraités ou des nouveaux retraités. Ouais. C'est vraiment dans la clientèle du soir, là. Ligue du soir, parce que de jour, là, ça n'arrête pas, là, c'est un peu roulant, là. Ligue de jour vont super bien. C'est essayer d'attirer du monde pour les ligues de soir, une clientèle peut-être différent d'un petit peu plus jeune des professionnels, de ceux-là qui travaillent, qui ne peuvent pas nécessairement embarquer dans une ligue, mais qui seraient peut-être intéressés là, à jouer là, 6 fois par année, par hiver, là, sans jouer 2 fois par semaine. OK. Ben, Dave, on va te souhaiter la meilleure des chances. Gêne-toi pas si on est là pour ça. Fait que, donc, pour les organismes de sport, gêne-toi pas. Puis au plaisir de te reparler. Parfait, je t'en remercie, Dani. Dave Lamontagne, qui est le responsable, qui est le coordinateur du Centre de ski et de ski, et également du Centre.